les gosses à l'abri. 2000 et plus les chiens à bois au cas où. T'as pas compris, l'heure est grave à tout prix. Il faut que mon staff grave notre foi, notre force dans ton disque dur. À vrai dire, on rappe pas pour leur disque d'or, mais pour réveiller l'enfoiré qui dort au lieu de voter. L'enfant qui pleure au lieu de noter. Et tous ces bâtards qui se sont gourés de côté. Écoute, rien est acquis. Alimani, mais le paquet. Cacunotex comme au parquet, mais pour qui? Car rares sont les frères qui analysent toute la foi qu'on canalise. Au microphone, je banalise le bon de l'homme. Pisse aux bonnes âmes, bon homme. Le cerveau délabré, le cœur assombri. Combien de frères dans nos rues, rôdent calibrés. Mais les gosses à l'abri, car aujourd'hui les tous veulent être au top niveau. Babi, combien ont compris que la vie c'est pas donné. Faut trimer pour la monnaie. Bien placé dans le centre-ville, on est bien placé pour le dire. Parce qu'on y est depuis Cayenne. Voyons loin les frères et sœurs dans le domaine. Sans mettre plein les veines, là-bas où plus rien ne pousse. Même pas plus haut que l'ongle de mon pouce. Tout le monde se fait la course. Sans respect, on leur fidélité pour tous ceux qui sèment la sagesse dans la faiblesse. Finissent morts désossés derrière le fossé. Aliment de foncé, mais les gosses à l'abri, loin des coffards, loin des damnés. Et dis-leur qu'Aliman ne se plie pas, baby. C'est une chérie, pourtant je roule pas en roadster. Et je suis pas une star du rap accroché sur un poster. Je n'ai pas une dans les poches si ça rentre pas. C'est peut-être les porcs qu'il veut, va savoir. Christian, c'est toi, qu'est-ce que tu sais de ma vie, c'est des miens. C'est mon passé, de tous mes proches, une chérie. Pour les nights, odeur de passé, c'est Fahrenheit. Elle vit dans les bars petits, c'est une jury. Regarde autour de toi, et vis-moi tous ces types. Et rien que des coins, des rencontres du troisième type. C'est plein de héros. Faut voir ce que ta fille mange, t'aimes toutes ces boîtes de pute. Après dis-moi, si j'ai envie d'avoir des enfants, une vie normale. Si j'ai envie de tout niquer, choisir le mal. Si j'ai envie de réfléchir avant de juger les gens. Ou si je m'en bats les couilles, rien que pour l'argent. Mets-toi à l'abri du dealer de gaffe qui dit être ton ami. Hardcore dans cet enfer où c'est la pire des haines qui t'anime. Au sein d'une République où même les curés violent des gamines. La maladie envahit le cœur et le mal contamine au fond de nous-mêmes. Nos âmes en deuil sont les victimes, torturées par les blessures du diable et de sa dream team. Putain de système d'enfoiré, le même de Mars à Paris. Alors où tu vois les stupes déguisés en Rastafari. En plein jour devant les gosses au métro Clary. Ou à 2h du mat au bar de la marine. Entouré de saillants, en folie que t'avais serré la verroise qui paraît. Maintenant il te reste tes yeux pour pleurer. Le peu d'amis que tu comptes dans mon bâtiment de la Savine. Mais pas tes deux petites putes Carla et Sabine. Ils ont fait toi une créature pire qu'un alien, bloqué dans les griffes de la machine. Toi à l'abri, mais les gosses à l'abri. Nos vies ici sont à bas prix. Baba, mais que faire? Mais les gosses à l'abri. Nos vies ici sont à bas prix. Baba, mais que faire? Mais les gosses à l'abri. Nos vies ici sont à bas prix. Baba, mais que faire? Mais les gosses à l'abri. 2000 et plus. Nos petits frères sortent avec les coffards. Mais les gosses à l'abri. Nos vies ici sont à bas prix. Baba, mais que faire? Mais les gosses à l'abri. Nos vies ici sont à bas prix. Baba, mais que faire? Mais les gosses à l'abri. Nos vies ici sont à bas prix. Baba, mais que faire? Mais les gosses à l'abri. 2000 et plus. Nos petits frères flirtent avec les coffards.